Troisième partie. Dans le hall de l'aéroport. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que vous avez des bagages? Oui, j'ai un grand sac. Je m'appelle Charles, et vous mademoiselle? Moi, monsieur, je m'appelle Madame Hébert. Ah, au revoir madame.